أما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Donc, quant à la dhamma, elle est un signe de rafa dans quatre cas. Donc, on avait vu que il y a des signes de l'i'rab pour rafa, pour nasab, pour al-jazm. Donc, le rafa, il a quatre signes: al-dhamma, al-waw, al-alif et al-noun. Maintenant, on commence à parler de al-dhamma. Dans quel cas on va utiliser al-dhamma? Dans quatre cas. L'ism al-mufrad, c'est-à-dire le nom singulier, ou jam' al-taksir, c'est-à-dire le pluriel dont le radical a changé. Parce qu'en arabe, il y a des pluriels qu'on dit salim, c'est-à-dire le radical par rapport au singulier, on lui ajoute quelque chose pour faire un pluriel. Il y a jam' al-taksir, c'est-à-dire le radical, il a changé. En passant du singulier au pluriel, le radical il a changé. Dans ce cas-là, on va utiliser Dhamma pour Rafa aussi. Et dans Jam' al-Mu'annath Salim, c'est-à-dire le pluriel féminin Salim, c'est-à-dire le radical il n'a pas changé. Et le fi'l al-mudari', alladhi lam yattasil bi akhihi shay, le fi'l al-mudari' qui n'a rien à la fin. C'est-à-dire donc Dhamma sera, donc dans ce cas-là, un signe de Rafa. Et toujours, comme on l'a dit, que ça soit de façon claire ou supposée. يعني أن الضمة تكون علامة للرفع في هذه المواضيع أي يعرف رفعها بوجود الضمة فيها لفظا أو تقديرا. Donc on a vu qu'elle peut être claire, ou on la voit apparente, ou elle est supposée. Quand est-ce qu'elle est supposée? Donc supposée quand le nom finit par un ya ou un alif, un alif maqsoura, comme al-qadi et al-fata. Donc l'ism al-mufrad comme nahu, enfin l'ism al-mufrad ou nahu ja'a zaydun wal-fata fa zaydun fa'ilun marfu'un bil-dhammati al-zahirati. Donc exemple, ja'a zaydun wal-fata, zayd est venu avec al-fata, ainsi zayd est fa'il, sujet marfu'un avec une dhamma zahira apparente. Wal fata fa'il marfou' avec une dhamma muqaddara. Wal fata fa'il marfou' bi dhammati al-muqaddara lit-ta'adhdhuri. Du fait qu'on peut pas donc la faire apparaître. Wa jam' at-taksir wa huwa ma taghayyara 'an bina'i mufradihi. Nahwu ja'a ar-rijalu wal usara. Fa ar-rijalu fa'il marfou' bi dhammati adh-dhahira wal usara. فاعل مرفوع بالضمة المقدرة للتعذر. Explique l'ism al-mufrad. Maintenant, جمع التكسير, c'est ce qui a changé, c'est-à-dire son radical, c'est un pluriel qui a changé par rapport à son singulier. Donc, exemple, جاء الرجال والأسارة. Les hommes sont venus ainsi que les prisonniers. الأسارة. C'est plus. والأسارة فاعل مرفوع بالضمة المقدرة للتعذر. الأسارة est un sujet مرفوع avec une dhamma supposée pour la difficulté de la faire apparaître. C'est-à-dire pour le fait qu'on ne peut pas la faire apparaître. وجمع المؤنث السالم وهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين نحو جاءت الهندات. فالهندات فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. Donc, et Jam' al-Mu'annath al-Salim, c'est-à-dire le pluriel féminin, sauf, c'est-à-dire qui, dont le radical reste toujours. C'est ce dont le pluriel a lieu en rajoutant alif et inta. Comme hindun, on dit en arabe al-hindatu. Donc le mot hind, le radical hind reste, et on va rajouter alif et ta, al-hindatu. Bintun, al-banatu. Donc ça s'appelle Salim parce que le radical bint il reste. Et on rajoute alif et ta. Donc hindatu, ja'at al-hindatu, les hind sont venus. Al-hindatu fa'ilun marfu'un bi-dhammati adh-dhahira. C'est un sujet marfou avec une dhamma apparente. والفعل المضارع نحو يضرب زيد ويخشى عمرو ويرمي بكر. Donc le mudari, on a dit, c'est ce qui admet le présent et le futur. يضرب زيد ويخشى عمرو ويرمي بكر. زيد frappe, عمر craint, بكر lance, يرمي. فيضرب فعل المضارع مرفوع بالضمة الظاهرة. Donc, yadrib est un fi'l mudari' marfou' avec une dhamma apparente. Et yakhsha, wa yakhsha marfou' bi dhammati al-muqaddarati lit-ta'adhdhuri. Yakhsha, il finit avec alif maqsoura. Donc, il est marfou' avec une dhamma supposée. Avec une dhamma supposée. Et yarmi, wa yarmi, il finit par un yas. Donc, ce sera toujours une dhamma supposée. Mais là, on dit pour la difficulté, pour la faire apparaître. Alors que pour l'alif, pour ce qui finit avec un alif, on dit pour le fait qu'on ne peut pas la faire apparaître. Ta'adhur.